Les intellos, Tommy, ils jouent au Magic Zelda dans un band de punk. 70% de rejet à la radio. Oh oh oh oh oh. C'est pas moi. Ben, Fais-toi vos mains. Hey, salut tout le monde, bienvenue à 70%. Oui, monsieur! Hey, cette voix-là est incroyable, sans blague. C'est toi, c'est vrai? Oui, oh, oui. Aïe, aïe, moi, quand un gars parle, ça sent, tu sais, comme l'espèce de stylement dedans, ça a l'air colon, mais je trouve ça un peu... Ben, vous aurez peut-être reconnu la voix de MC Lassonce qui est venue nous rendre service. Et ben, en fait, nous rendre visite. Ouais. Ben, elle nous rend service en nous rendant visite. Et puis sinon, ben, on a bien sûr un zombie avec nous en studio. Ouais. Pour passer l'émission, voilà. Essaie de pas trop dégoûter sur la console. Merci, zombie, ça voilà. Fait dégueulasse. Ouais, c'est ça, mais c'est gentil qu'il se soit déplacé quand même. On approche de l'Halloween, les zombies reviennent à la mode. Mais on va commencer tout de suite par présenter l'émission d'aujourd'hui. En background, en fait, c'est Stewart Copeland. Encore une fois, dans Spyro the Dragon 2, la soundtrack. Ah, tu remets la même affaire que la semaine passée? Ben, en fait, c'est le 2. La semaine passée, c'était le 1. Ah! Une ambiance dangereuse, quoique burlesque. Hein? Quelque chose comme ça. Sinon, ben, je vais parler sûrement de Jesus Camp, puis on va poser des questions à MC La Sauce qui vient de Val-d'Or. Moi, je parle des crises de Forward Mail de ma. Et voilà, on sait un petit peu de quoi tu es en train de parler. Pour l'instant, on va aller écouter une chanson de MC La Sauce qu'elle-même a faite par elle-même de sa. Ben, c'est le chum, en fait, qui l'a produite. Ah. Ah. Bon, ben, on écoute ça, puis on revient à 70%. On aime ça. Hey, le chum. Yes, sir. Check ça aller, puis oui. La petite grotte, là. La grotte du bonheur. Cette odeur de plug-in. Hey. T'aimes ça? Je pense que j'aime bien ça. Ben, on aime bien ça. Ça, toi? Hey. Oh, ouais. On aime ça. Une drôle de grand fan. On aime ça. Si toi aussi dis. On aime ça. On aime ça. La sauce qui la chum. On aime ça. Une drôle de grand fan. On aime ça. Si toi aussi dis. Je voulais faire un drop en grotte avec sa majesté. J'avais l'air trop tôt, trop fort, tout le chum voulait me tester. Je trouvais bien comme du bot, j'ai décidé de rester. J'avais que ça ferait hop une fois t'es sur le corps du chummy. Si tu dans la garde, tout me plaît, c'est un coup sûr. Je file bien ses cartes bien en ligne et sur le mur. Il quitte toutes les rabettes avec qui je fais les coupures. Baby de la chum, j'ai signé pour une soudure. La soirée avant, c'est pas pour drink, retard de la sauce. Le swag est intense, devient addict à ses petites fesses. Boulag et remonte, le fond trop flippé pour la peste. Les gens mal devant, c'est revendique une arabesque. Aussitôt la sauce, le dos et l'eau sans trop hésiter. En bon rond, c'est spits, c'est style d'hostilité. On s'est losé, on s'est si drôle, c'est sans stylo. Ce haut, cette dose de ce qu'on sait. Conséquent, c'est quand on sait, quand on sent qu'on est consentant. On aime ça. La sauce qui la chum, on aime ça. Une dose de gros fan, on aime ça. Si toi aussi dis, on aime ça. On aime ça. La sauce qui la chum, on aime ça. Une dose de gros fan, on aime ça. Si toi aussi dis, So, c'est ça qui est ça, ça. Le chum aime c'est la sauce. So, je l'aime bien celle-là. Surtout son beau teint rose. Fait que je l'ai vu, je voulais plus d'autre chose. So, à part la mettre tout nu, tout nu. Pis lui faire plein de choses. So, personne y arrive à cheville. J'en oublie toutes les filles. Filles. Avec elle, mon cœur aussi. C'est. Je veux fonder une famille. Mais ça va faire des beaux enfants. Fin. C'est pas pour être fendant. Dans. C'est moi qui est en plein dedans. Dans. Astique, c'est plaisant. Mais fait que votre avis, mon gars. Décolle dans le champ, champ. temps, c'est moi son champion. Yo, toi un pion dans ton temps, elle a juste pas le temps. C'est ça justement, ma, tu penses que je te m'aime, c'est ma petite jument. Piège à galope comme un vrai pro, y'a personne qui m'accroche. You know, un conseil, lève-toi plutôt, t'es pas de mon niveau. T'es pas accro, elle se fait du fun depuis qu'elle tape le chat. Fait que va te perdre dans le bois, mon homme, c'est moi qui donne du bois, bonhomme. Parce que je pète la force. Yes! On aime ça. La sophie, la chum. Hey! On aime ça. Une grosse, une grosse femme. Hey! On aime ça. Si toi aussi dit. Hey! On aime ça. On aime ça. La sophie, la chum. Hey! On aime ça. Une grosse, une grosse femme. Hey! On aime ça. Si toi aussi dit. Je me pose devant la source qui sagement le regarde. C'est l'homme rose qui me propose un beignet à la costarde. Une bonne dose de skin en grosse, les monoparentales. Les gommes causent si la source leur dit manger de la marde. Fire your shit at that, son, you crazy motherfucker. Tu sais, what you make to me, moi, c'est n'être soigné chez Sheila. C'est Chris Jenny Oli, mais Chris Jenny is daily. Promise qu'il est daily, mon disque chez Sylvie. C'est dommage pour les autres, chouette, mais fallait s'y attendre. Les sauvages qui vont cette lettre, ils voudront trop vous prendre. Les trop sages ne peuvent pas mettre les gars comme lui le singe. Tout ma page, ma grosse, c'est juste ici la sauce qui tente. J'aime comme mon petit malin qu'à veiller avec un petit matin. C'est trop top quand c'est vraiment qui répond à la porte. Je dis yes sir comme mon monsieur, ma soeur, une bonne voisine. Yes sir. Faut que je vois piller car l'eau, c'est le job qui m'est beau. On aime ça dans ta chambre. On aime ça. On aime ça? C'est quoi ça? C'est une musique d'homosexuel. C'est donc une certaine et un improvisateur. Ah, merci, zombie. Culturel pour le tout Canada. L'autre qu'elle enquête. OK, on a un zombie. Ici Israël avec l'enquête. Oui, madame, oui, monsieur, on a la plantureuse MC La Sauce. Pas vrai, zombie? Touche-la pas, OK, ça, plate, ça, c'est une fille rappeuse modèle, voyons, 1979. 1979, c'est une excellente année. C'est l'année recrue de Michel Goulet, de Mats Naslund et de Guy Carbonneau. Oh, fort, c'est de la fort. Référence. Wow. Ouais. J'ai rien trouvé sur toi et sur Wikipédia. Ah! Non, c'est plate. Ouais. Mais ton MySpace nous laisse sous-entendre que tu fais du rap en robe. Oui, ben oui, je mets des robes souvent pour rapper. Comme présentement, qu'est-ce que je porte? Une belle robe en léopard. Eh oui, rock and wear, madame. Qui sied ton bedon à vermeil, oui, dis-je oui. Mal. Alors, la question qui nous mord la boîte à menterie, c'est le meilleur ass en ville, c'est-tu self-proclaim ou bien c'est un petit gars qui t'a dit ça? ton petit frère, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? C'est un skinhead. Ben, il aime bien mon petit cul. Mais moi, je pense pas. Moi, je pense que tu t'es diff. Non, juste une seconde. Zombie. Non, sans blague. Non, j'aimerais ça répondre à ta question, mais j'ai échappé quelque chose par terre. Je voudrais juste m'excuser une seconde. Effectivement. Donc, c'est ta question, c'était. Je m'en souviens plus, j'ai été déconcentré. Voilà. Excellent. On se croirait dans le studio d'Howard Stern, sur qu'on est à Choc FM. Hey, mais quand tu dis en chantant, mes boules sont grosses, est-ce que tu es en train de penser à ton public qui est aveugle? Est-ce que tu veux, mettons, le. Ben, je pense qu'elles sont tellement grosses que les gens aveugles peuvent les lire en braille. Sans blague. C'est excellent, ça. Hey, bonjour à ma mère. Parlant de braille, tu me fais brailler avec tes jokes. Ah, toi, t'es drôle. C'est moi qui t'ai ramené ton émission. Fait que, vas-y, Israël. Oui, j'y vais. On pose des questions à MC. Je l'ai présenté, là. C'était ça, là. Ah, bon, ben sinon... Mettons, toi, faire le cinéma, là, parce que souvent, les vedettes de rap ou de musique, là, le microcosme québécois est comme assez petit. Fait que si jamais tu te ramasses dedans, c'est sûr que tu vas être offert des rôles au cinéma. Jusqu'où tu irais? Ben, écoute, moi, premièrement, avant de, c'est ça qui est intéressant, avant d'être MC, ce que je croyais jamais qu'à l'arrivée, j'ai été formée en théâtre, interprétation et production au Collège Marie-Victorin. Donc, moi, mon but premier était d'être actrice. Donc, j'ai déjà joué quelques rôles. Donc, ça me donne déjà une idée où est-ce que je voudrais aller, à la limite. Puis, mon Dieu, j'enlève tellement pas mon top. À moins que tu payes ou que tu sois cute, puis que t'aies la quête, puis que tu m'invites dans c'est une somme radio. D'ailleurs, Israël, tu comptes-tu le nombre de hockey que tu non, fais? Non, c'est zombie qui compte, hein, zombie? Il est rendu à 32. Ouais, à 32. Excellent. Hey, toi, t'aimes-tu mieux un milkshake ou un sundae? Ben, j'aime mieux un milkshake because my milkshake smells like vanilla, smells like vanilla, OK, j'ai une question qui me brûle le clapoir à manger du michoui. c'est, tu sais, vu que Pascal s'est fait frencher par Black Tabou, toi, personnellement, t'es-tu fait frencher par Black Tabou? J'ai frenché Vice, déjà. Mange-marin. Ah, j'ai déjà un petit bec à mange-marin. Mais pas frenché. Non. Le gars, il s'appelle comment? Excusez, j'ai mal compris. Par de qui? De Richard Mange-marin. Non, quand même, là. Nous, c'est des petits becs amicaux, là. Tu sais, je veux dire, on travaille ensemble déjà pour une production qui s'en vient, que je dois garder secret, malheureusement. Ben là, tu viens d'en dévoiler un crisse de bout, hein? Pour une production que je dois garder secret. Ça, non, c'est... Non, sans blague, non, il y a eu non, ça, tout va bien. Là, tout est dans les normes. Là. C'est pareil comme dans Zelda, ça. Hein? Tu parles à quelqu'un, ça te dit garde ça secret, mais tu pourrais pogner un cheval à cette place-là. Ouais, mais ça t'enlève un tiers de cœur. Moi, j'ai joué avec ça avec mon père. Là. Ah, les vrais valeurs, j'adore ça. C'est malade. Non, moi, avec mon père, on s'élevait, puis on mangeait des toasts au bar de pin, puis on buvait du quick, c'est malade. Puis on jouait à Zelda. Pascal me dit qu'elle a frenché ton père. Toi, personnellement, est-ce que tu as frenché ton père? Mon père, il est mort. C'est vrai. Zombie, est-ce que t'as une question à poser à notre invité? Sans blague, c'est un peu trash, là, sans blague. Non, jamais frenché mon père. Là. Non, c'était... Mon père biologique est malheureusement décédé, mais mon vrai père, non. Non, jamais. Non, on est une famille assez pas si dysfonctionnelle. Cool. J'avoue que ça aurait été weird si t'avais répondu oui. Oui. On pense à quoi après? Là? Hey, ben, qui sont tes idoles, mettons? Qui sont mes idoles? Oh, OK, ouais. Vous allez me trouver quétaine, mais j'adore Beyoncé. Parce qu'elle est belle, elle est bonne, elle ose dans tous les styles, puis elle excelle dans tout ce qu'elle essaie. Ah ben, j'en ai une, papa. Puis est-ce que t'es contente que l'Église catholique ait finalement fait disparaître les limbes? L'Église quoi? Catholique. Oui, je suis super contente. L'autre fois, on a un party, là, on capotait. Là, non, vous avez fêté la disparition des limbes. C'était assez hot, là. Ouais, moi, j'étais pauvre. En tout cas, j'avais hâte, là. J'attendais le résultat impatiemment chez nous, dans mon salon. Hey, non, mais sinon, en tant qu'Abitibienne, comment tu vis le conflit de Bois-d'Œuvre? Parce que quand même, ça l'a sûrement affligé beaucoup de personnes que tu connais et tout et tout. Mais écoute, peu importe comment je le vis, je crois que ce qui va arriver, arrivera. Donc, c'est très dommage. Mais toi, qu'est-ce que tu comptes faire en tant qu'Abitibien? Oh non, je... Regarde, tu veux me mêler là-dedans, regarde. C'est la même réponse que toi. Écoute, moi, je suis content par ça. Non, vraiment pas. Non, moi, je suis pas contente de ce qui se passe, là, c'est clair, là, avec nos forêts qui sont... non, mais je sais pas si t'as vu le film de Richard, là. Ouais. Ça fait quand même une couple d'années de ça. Ouais, ben je l'ai vu, ça fait 10 ans, mettons, là, quand il est sorti. Bon, OK. Fait que t'as pas vu le film, donc je t'invite à voir le film, puis ensuite, tu pourras me poser n'importe quelle question que tu veux. Ça te okay? l'a dit, hein? Comme si Richard Desjardins détenait la vérité. Non, mais sauf que tu regardes, c'est comme un petit peu la base sur laquelle on peut... C'est sûr que c'est une contre-expertise de ce que Tembec nous dit, mettons. Et toi, zombie, qu'est-ce que t'en penses? Ben toi, zombie, tu dois être content que la déforestation... Ouais, j'avoue... C'est super pertinent. Donc, hey, oui. Non, mais parlant de rap pis tout, pis de chanteuse féminine qui use de son corps pour gagner de l'argent, là. Qu'est-ce que tu penses du Nipplegate avec Janet Jackson? Je m'en calisse. C'est vrai, hein? C'est vrai, ouais, qu'on s'en calisse, hein? Ouais. C'est comme devenu un scandale là-bas pour eux autres. C'est comme la fin du monde. C'était le début de, la, de l'apocalypse. Pis c'était une mamelle féminine. C'est ça, hein? En quoi c'est... Et voilà, zombie qui frotte ses mamelles masculines en public. Pourquoi est-ce qu'une mamelle féminine, c'est plus précieux qu'une mamelle masculine, tu penses, MC Lassos? Parce que les gars, vous devenez tout excités avec n'importe quoi. Regarde, je vous montre maintenant mon genou. Bon, ouais, consternation, c'est j'étais ça. J'étais bien plus excité quand tu nous montrais ton c'est ass. Tu pouvais te repencher. Pour ouais, mais c'est ça, depuis affaires. Quand que t'as le hockey, c'est ça. Ouais, ben, elle l'a dit, hein. Donc, non, est-ce que vous avez des questions? Mettons, on commence les questions, on est rendu dans les questions dans les P. Mettons P pour pertinent. On y va. Hey, ah, tu facile. Nous aimes pas, hein? Ben ouais, nous aimes. Non, je vous aime. Ok, c'est quoi ma. On va en poser deux pertinentes, puis après, on va aller écouter une toune. Ok, allez-y. Ok. Attends, tu peux, je ressors comme faux. Ta collaboration avec ton chum Shafik, là, oui. Là, c'est comment que ça a commencé? C'est quoi? Tu lui as montré ton ass, puis... Si par ass, tu veux dire talent, oui. Donc, voilà. J'ai, au début, mes chansons étaient exposées seulement à titre humoristique, puis étaient simplement dédiées à mes amis. Donc, c'était des petites conneries que je mettais sur Internet, puis que je pensais pas qu'elle allait super loin, parce que lors de mon jeune âge, pardon, je voulais être une actrice. Donc, ce qui explique le cégep Marie-Victorin. Exactement. Voilà. Donc, voilà, mes chansons étaient mises, mon Dieu, exposées à tout le monde sur Internet, puis Shafik tombe là-dessus, puis, mon Dieu, là, par hasard des choses, c'est ça, il tombe sur mon adresse Internet, il m'écrit, on se contacte, on travaille ensemble, et puis, depuis un an, c'est la relation incroyable. Petite thèse. Avec une voix velours sur fond de hockey et de zombies. Non, c'est depuis non, ça fait un an en fait qu'on travaille ensemble à cause que justement il a trouvé mes trucs sur Internet puis. Zombie, c'est... Non, mange pas le micro. Lâche le micro, zombie. Non, c'est ça. Ça fait un an qu'on travaille ensemble là, parce que j'ai trouvé mes trucs sur Internet. Puis c'est ça. Ah, là, ben, c'est super cool. C'est le destin. C'est ah, oui, c'est ça. Puis ça a bien marché. C'est ça le bien qui a triomphé du mal. Si on veut. Je veux dire, souvent, ça, c'est une belle plateforme, MySpace, pour diffuser ses œuvres. Mais c'est incroyable. Je veux dire, comme tous tes contacts sont exposés, les contacts aussi à venir sont. Vois tes contacts présents, puis tout, c'est vraiment cool. Ça veut dire qu'on a beau dire que MySpace, c'est de la merde, mais tellement pas Tom Big Up. C'est qui a dit ça? Hein? C'est qui a dit ça que MySpace, c'était de la merde? Du monde de l'émission de choc, là, 70%. Ouais, c'est sur Facebook. C'est zombies. Ouais, c'est ça. Ils sont sur Facebook. Non, je veux dire, je sais pas pour les MySpace perso, là, mais je veux dire, MySpace Music, là, je pense que ça crée des super beaux liens. Oui, vive la contre-culture aussi, parce que là, c'est moins les Québécois qui financent ces affaires-là, parce que la technique était rendue tellement facile que tu peux faire tes chansons chez toi. Comme toi, t'as dit, ça a commencé en blague. Au début, maintenant, ben oui. Ça a grandi parce que finalement, il y a une demande vis-à-vis l'offre. Mais est-ce que vous autres, vous voyez ça comme quelque chose de mal ou quelque chose qui absolument était... pas. Moi, je suis pour la variété culturelle et c'est d'ailleurs le but ultime de ce show-là. Parce que souvent, on a des grosses critiques par rapport à ça. Tu sais, ça fait pas longtemps que tu fais ça, puis. Oh, ben non. Ben là, on se posait même pas la question. La variété, c'est ça qui est important. Tu viens de Val d'Or. Voilà, en plus. Elle fait bien ça. C'est quoi ta question? Sinon, moi, c'est ça, c'est à mon tour, ma question. Pertinente, ta chanson préférée parmi celles que toi-même t'as composées de toi, là. Hey, savez-vous quoi? C'est tellement une drôle... c'est une question vraiment difficile. OK, je vous dirais que... Excuse-moi, je suis tellement déconcentrée par son OK. OK. C'est drôle parce que ça bouge tout au complet. C'est fucked up. OK, j'ai trois... Je tiraillais entre trois. OK. Trois chansons. Donc, j'ai Fuck You, Westy, dont j'ai vraiment hâte de release le vidéo original qui a été freestylé en 2005 avec Windows Movie Player. Est-ce que tu pourrais juste... Ensuite, j'ai In The Bus, production Drac, qui est disponible sur le Drac Mixtape Volume 1. Donc, okay. Puis, en tout cas, la première chanson qui a été vraiment officialisée comme professionnelle dans ma carrière, en fait, c'est Table d'hôte avec DJ Horg. Donc, ça a été vraiment la première chanson qui a été diffusée sur mon MySpace qui n'a pas été faite à partir de mon programme de merde, WavePad. Dans la cave chez tes parents pour le non, fun, même pour pas, tes même amis, pas. Mes parents voulaient même pas que je fasse ça dans leur cave. Là. Oh, c'était de la merde. Là. J'étais obligée de me pogner un appart cradeux, man. Pour faire de ta musique, pour t'exprimer. Exactement. J'étais obligée de panner mes sidekicks de Lipton là, pour m'acheter un micro de webcam. Non, mais on rit, mais je veux dire, dans le temps, c'était parce que t'étais motivé. C'était comme ça. Avant les temps de la chachère, c'était comme ça. Hey, mais là, je pense que je vais prendre le contrôle. On va aller écouter une toune. Tu viens de répondre à ma. On a fait deux pertinentes, là. Tu vas nous lâcher avec ça, là. Non, non, mais j'ai pas fini. Donc, vous. Ah, d'en rajouter. La meilleure voyelle, c'est quoi? Non, non, mais moi, je m'en vais écouter une toune de Tragic Lip. En tout cas, ça s'appelle Family Band. Hey, pourquoi ça vient de la dernière album. C'est même pas une la merde. Ben non, c'est très excellent. De toute façon, on s'en reparle tantôt. Lâche-toi, zombie, lâche-toi. Je veux avoir ce dépôt à n'importe quel prix, vous entendez? À n'importe quel prix. Exécution. Et donc, après tout ce temps, ils ont finalement eu le dépôt d'armes. Oh, Seigneur, ils sont tous crevés. Ce sont les risques du métier, Riemann. Mais il leur restait encore une minute. La mission avant tout. N'oubliez jamais ça, Major. Votre commando a fait du bon boulot. On n'est pas prêt d'oublier ces hommes. Ils étaient des héros. Oui, monsieur. Et donc, vous avez bien sûr reconnu la saveur du douteux de cette semaine. Un excellent film de Bruno Mattei. Bruno Mattei qui a décidé de s'appeler Vincent Down le temps d'écrire le générique de ce film-là. Donc, de Bruno Mattei, réalisateur italien, vous l'aurez reconnu, à Vincent Down. Il y a une espèce de, comme je ne m'assume pas, je sais pas, peut-être que ça passe mieux quand t'exportes la chose. T'as zombie. Oui, non, mais c'est vrai, t'as raison, zombie, je pense, là-dessus. Sinon, ben, c'est un film de 1987 qui... Et c'est ça qui fait que c'est magique, est une pâle copie de Rambo 2. Rambo 2, qui est déjà un long métrage facile, bourré d'explosions cheap, qui n'ont absolument aucun lien avec quoi que ce soit, et qui dépeint une virilité exacerbée sans aucun sens. Et puis Rambo, ben en fait, le dernier assaut, avec sa version originale Strike Commando, c'est encore pire. C'est encore plus viril, gratuit, pas bon. Il y a encore plus de fadeur qui nous est imposée par du monde qui n'ont pas vraiment de respect pour notre intelligence et notre esprit de déduction. C'est quelque chose qui fait extrêmement mal. J'aimerais vous parler donc de Red Brown, parce que moi, ce film-là, Dernier Assaut, à part Deadly Prey, c'est ma marde préférée. Ah oui? Là, j'ai pas peur d'en parler. Je veux dire, il y a aucun moment dans ce film-là que notre intelligence est considérée. Il y a jamais personne qui aurait pas été mieux d'aller faire autre chose. Et d'ailleurs, des maîtres de personnes, quand on parle de personnes qui auraient été mieux d'aller faire autre chose, ben on a Mike Monty qui joue dans ce film-là. Mike Monty qui est un habitué de la marde, qui en a fait tellement qu'on va en parler une autre fois dans un autre film. Pour l'instant, j'aimerais parler surtout de Hey, voilà Zombie qui est content de pas parler de Mike Monty. Reb Brown qui est un acteur américain né en Californie en 1948. C'est un ex-boxeur professionnel. On pourrait qu'il le classifier genre sous Dolph Lundgren. Pas grand-chose. Il est apparu surtout dans des films italiens bas de gamme qui étaient des Runaway Productions des États-Unis. Sinon, Christopher Connelly, c'est une star des soaps américains des années 70 qui a déjà fait le méchant dans un épisode de toutes les téléséries que vous êtes encore capable de penser et qui a fait le méchant dans le premier film de Benji. Et MC La Sauce qui est en train de perdre l'intérêt. Comment fait-elle face à l'explosion incroyable de la toute-puissance de Reb Brown? On va bientôt arriver d'ailleurs à 13 minutes 25. C'est le bout où le quotient va se déployer. Le cossin va se déployer. Okay. On va comprendre la raison de pourquoi le début du film, en fait. Parce que ça va se terminer sur la présentation du fait qu'en zone profondément vietcongaise, les Soviétiques manipulent depuis l'arrière-plan les plans justement les plans des Vietcong de l'endroit. Donc là, le héros a survécu à l'explosion du début qui était considérable. Et puis là, il se fait en fait secourir par un village de Vietnamiens brainwashés, tout habillé pareil en blanc. Et voilà, on poursuit l'aventure, on va retourner l'écouter. Là, il vient de se réveiller dans le village. Tu peux te faire aux toilettes pendant... Ben oui, c'est le temps. Arrêtez, c'est un Américain, c'est un sauveur! Yeah. Ouais, un zombie. Un Américain! Américain! C'est beau zombie. Hey, ramasse ton manchon, hein? Américain! Approchez-vous de lui! Si quelqu'un a l'impression que son intelligence est respectée par ce qu'on entend, je ne sais pas quoi dire. Oui. Vous êtes américain? Vous êtes notre sauveur. Alors tu laisses, puis je le grâce. Non, c'est un ennemi, il faut le tuer. Ça suffit. Il est notre prisonnier. Tue-le. C'est un ennemi, alors il faut fan. Le détruire. Il est votre ennemi, soit. Brown ici qui moralise le village. Puisqu'il est prisonnier. Pourquoi voulez-vous que je tue un homme désarmé à bout portant? Parce que la chienlit doit être détruite. Ah, d'ailleurs, c'est bien que tu reviennes, MC. Justement, j'avais des questions Cet pour toi. Cet homme est un démon, et on n'a pas besoin de démons comme prisonnier. Il est aussi ton ennemi américain. Oh. Lui n'hésiterait pas à te tuer. Voilà. C'est quoi ton shampoing préféré? Allez, vas-y, l'Américain, tue-le! C'est cure soyeuse. Ah, vas-y. OK. Est-ce que t'as déjà joué avec un train électrique? Dans mes rêves, oui. Oh, c'est tout bucolique, yo. Est-ce que t'aimes les chiens? Oui. Cool, elle aime beaucoup. Les chiens. Je suis une végétarienne, moi. Ah, ouais? Quand t'en voyais, tu fais-tu, oh, le petit chien! Oui, oui, je... Ils sont extrêmement déçus. Bon, ben, j'ai mis après sa jambe. Ils considèrent tous comme leur sauveur. Ah, bon, voilà, là, on comprend la problématique du film. Vous venez d'Amérique? Et pour eux, tous ceux qui viennent de là-bas représentent la liberté. Ils ont mal compris votre refus. Cet endroit est si étrange. C'était un lieu de recueillement avant cette guerre. Mais maintenant, la violence règne partout. C'est le père François qui a trouvé cet endroit. C'était vraiment un homme formidable. Vous en voulez peut-être une goutte? Non, je vous remercie. C'est pas du mais là, en fait, c'est qu'il y a le père François qui est en train d'expliquer à notre héros, Reb Brown, la situation dans le pauvre village qui l'a secouru. OK. Il dit qu'il y avait le père François qui était là avant, qui brainwashait tout le monde, et puis que là, après ça, les Vietcong, aidés par les Soviétiques, sont venus les déranger. Ils faisaient des raids, ils tuaient du monde, ils violaient des femmes. Ben, parce que c'est des méchants. Parce qu'il faut faire un film d'action poche sur un fond de quelque chose. OK. Et voilà, c'est donc, ça explique ça. En fait, on a pas mal fini ce long extrait. Non, mais c'est fait. En fait, on va aller écouter une toune, puis après ça, on va revenir. On va poser des questions à toi, là. Reste pas loin, là. On va juste mettre un petit intermède musical pour que les auditeurs ils puissent reprendre leur souffle. Toute la quantité d'informations pertinentes. J'ai hâte de voir quel film. Mais j'ai vraiment envie. On va s'en reparler. Okay. C'est Laika et les Cosmonautes. La toune s'appelle Floating. Écoute ça, zombie, c'est bon. Thank you. Alors, on est toujours en onde avec la charmante plantureuse MC La Sauce qui veut pas qu'on parle trop à cause que sa maman écoute. Bonsoir, maman. Salut, maman. Ah, merci d'avoir pris la peine de m'envoyer toutes les belles chansons. Non, c'est vrai quand même. C'est vrai. Merci, super gentil. OK, moi, là, il y a de quoi la question qui me chatouille les babilles gustatives, dis-je mal. C'est, tu sais, là, t'es quand même relativement cute. Fait que c'est quoi le pire pick-up line de gars que t'as jamais eu, genre? Aïe, il y en a tellement. Comment choisir? Ben, tu sais, t'as les. Moi, je pense que les pires, c'est les clichés, là, de merde, là. Genre, hey, tu travailles-tu dans les jeans parce que tu travailles dans les miennes? Ça, c'est vraiment les pires, là. Vraiment ouais, mauvais. Non, tu vois que c'est. T'as jamais entendu ça? Ouais, tu veux-tu goûter à quoi que ma mère a fait? Non, mais attends. Hey, excuse-moi, est-ce que tu travailles dans les jeans? Non. Ben, parce que tu travailles dans les miennes, mon Dieu. Tu vois, tu l'as déjà entendu, OK? Non, les pires, non, c'est est-ce que tu l'as déjà vu quelque part? Tu veux-tu goûter à quoi que ma mère a fait? Ouais, il y a ça où, bonjour, je m'appelle Actouf et puis elle veut immigrer dans le pays. Ça, c'est tout, c'est dans les super bad là, que j'ai entendu. Oh, mais, le gars, il fait comme semblant d'être un étranger parce qu'il veut symboliser. Qui veut te marier, je comprends pas. Je sais pas, j'écoute pas vraiment. C'est sûrement vraiment, mieux comme ça. J'ai pas vraiment d'intérêt. Moi, dans ce temps-là, je sais pas, je me mets une toune dans la tête, genre, tu me parles, puis je cache pas pourquoi. Qui ça, c'est bon, pour toi, c'est Yata, une bonne toune. Non, c'est Bazooka, c'est. Non, ça, c'est MC la Q. MC la sauce. c'est ça, okay, excuse-moi. Ah non, c'est correct. Je pense que ça me dit quelque chose. D'ailleurs, on lui pose des questions présentement. Oh, ouais, live, downtown de Montréal. Aïe, moi, j'aimerais ça que tu nous racontes le premier show que tu as fait. Le premier show que j'ai fait, ça a été assez incroyable parce que, pour tellement de raisons. La première raison, ça a été le stress. Tu sais, comme j'ai commencé à travailler avec Chafik en septembre 2006, puis en décembre 1er, en fait, 2006, j'avais un spectacle avec lui. Puis c'était comme le stress de premièrement de chanter dans un micro. Ça m'a pris jusqu'en novembre, mi-novembre, je te dirais, quasiment pour être vraiment à l'aise, c'est ça. Puis le show était le 1er décembre. Tu sais, satisfaire tout le monde qui parlait de moi sur les forums depuis des mois. Satisfaire, tu sais, je veux dire, Chafik de Le Colocas, il met comme pas sa réputation en jeu, mais Carlec, tu sais, il est en arrière de moi, puis il met sa réputation en jeu. Un peu, tu sais, pour une partie. Puis c'est ça, tu sais, si j'échouais, c'était vraiment de la grosse merde, là. Puis j'avais vraiment un gros stress, puis je me disais, regarde, si, mettons, ça va pas bien, j'arrête ça, puis si ça va bien, ben je continue. Donc, puis est-ce que t'as l'impression que le stress t'a aidé, finalement? Le stress a été, mon Dieu, une pulsation génératrice d'énergie incroyable, mon Dieu. J'étais arrivée là comme un Pokémon dans un tournoi. C'était incroyable, j'ai sorti les powers. C'était vraiment hot. C'est ça, c'était vraiment hot. Là, finalement, t'avais un bon dompteur. Ah oui, ben oui. Après, bon dresseur, mon Dieu, nombreuses. Fait, dresseur de Pokémon. Oui. Ah oui, après nombreuses lacérations au niveau du muscle fessier, ça a été super bien. J'ai été très docile. Je suis même super propre maintenant. Est-ce que t'as déjà fumé un bat au Belvé? Ben, qui a jamais fumé un bat au Belvé? Ben là, je voulais voir si t'étais du Val d'Or pour vrai. Là. Ben oui, je calais le fumage de bat au Belvé. Bonjour, maman. Puis tu joues à Magic? Non, mon chum joue à Magic. Mon ex joue à Magic vraiment beaucoup. Puis ça a été le terme de notre relation. Je suis tellement écœurée de savoir, ah oui, le fairy est in power. J'étais écœurée, garde. Un homme émasculé grâce à sa passion. Mais ben non, il était quand même vraiment hot. Là. C'est pour ça que je restais avec un bon bout de temps. Mais là, quand que Worldcraft a embarqué, là, c'est là que j'ai décroché. Oh, il aurait fallu que tu développes des nouvelles méthodes pour contre-attaquer. Là. Ou que lui, il développe des nouvelles méthodes pour juste me... Mais you know what I'm saying? Non, je sais pas. Ah, je peux pas dire ces mots-là. Ouais, ta mère écoute. Mm-hmm. Je demanderais à ma mère de fermer la radio quelques instants. Ouais, c'est ça. Hey, maintenant qu'elle est sortie de la pièce. Hey, mais qu'est-ce que tu penses du mouvement? Oh, zombie aimerait s'en savoir plus. Zombie, on se parle après, on se l'a dit déjà. Ouais. On l'a caché en dessous des chaises pour l'instant, là, ça fait une espèce de semi-cage. Mm-hmm. Hey, mais toi, qu'est-ce que tu penses du mouvement de rap actuel? Mouvement de rap actuel, sérieusement, les plus sérieux, plus matures en sortent. Puis les plus jeunes et les plus forumeux en restent. Je veux dire, s'il vous plaît, évitez les forums. Évitez les forums. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas à cause que je me fais dis sur les forums que je dis ça, mais s'il vous plaît, évitez ça. Faites juste écouter qu'est-ce qui sort. Essayez justement avec MySpace. On a tellement une grande variété d'artistes québécois qui sont disponibles. Toutes leurs chansons disponibles. On a leur biographie. On a tous leurs collaborateurs, toutes leurs collaborations aussi. Je veux dire, essayez d'être ouvert d'esprit à place de dire, ah, ça, c'est de la shit de fuck mal, parce que vous êtes maintenant capable de savoir c'est quoi le mot shit fuck mal, je sais pas. Les mots, tu sais, vous savez maintenant comment dire shit, ben, tu sais, ouais, c'est pas ouais, à cause de ça que. Fait que finalement, t'es en train de nous demander de rester ouvert d'esprit et d'écouter et de se faire notre s'il idée nous-mêmes. S'il vous plaît, puis justement, avec Internet puis MySpace, les gens disent que c'est notre pire. Comment on appelle ça l'affaire, là? Tu sais, les prisonniers y ont, là, avec la. Le boulet. Le boulet, c'est ça, exactement. Ben, c'est justement notre meilleur boulet. Ah, OK. Non, au contraire, non, c'est ça. Essayez d'être ouvert d'esprit, puis écoutez pas ce qui se dit dans les forums, s'il vous plaît. Être autant ouvert d'esprit que tu veux. Oui, exactement. Voilà. Donc, évitez les forums. Hey! Évitez les forums. T'as-tu une évitez autre les question? Forums, non, c'est vrai. Non, c'est correct. Tout à l'heure, j'ai le concours de rime, mais sinon, tu peux nous repasser un bout de la marde. Là. Ben, faudrait. Moi, j'aimerais ça. Ma mère, elle a pris la peine de nous envoyer des chansons tantôt. J'aimerais ça qu'on ben, en passe une. Deux. On va en écouter une autre. C'est même pas ma mère qui les a. Ça, c'est Éloi Desjardins qui les a passé ça. On va mettre l'autre à la fin, en fait. Puis là, pour l'instant, on va aller écouter une autre partie de Strike Commando. Parce que c'est ça. Non. Oui, la vie est comme ça. Non. Le meilleur de ce groupe. Un élément épatant. Là, on est rendu ailleurs dans le film. Justifier sa position dans cette zone éloignée de nos lignes. De plus, il ramène un groupe de Viet avec lui. C'est n'importe quoi. S'il y en a un qui devra se justifier de quoi que ce soit, ce sera vous, colonel. Zombie est en train de se manger le poignet. Major, je n'ai aucun compte à lui rendre. D'accord. Thompson est encore sous mes ordres. Et je peux le faire exécuter pour désertion. Un café, Harriman? Surtout, ne sous-estimez pas, Ransom, mon colonel. C'est un homme hors du commun. Une vraie machine à tuer qui n'hésitera pas à vous déclarer la guerre. Et vous savez bien pourquoi. Des menaces, Harriman? Nous nous sommes mis d'accord sur un point de rendez-vous. Je lui ai donné 24 heures. La région où il est grouille de Vietcong. Je vais aller le chercher. Je commanderai l'opération. Oui, oui, c'est sûr. Mais le Vietnam, il y a tout le temps une espèce d'ambiance comme ça dedans. Je sais pas pourquoi. Vous commanderez la flotte. Prends tout au deuxième degré. Ouais. Écoute. Tu vois? On va aller le chercher profondément en zone offensive. C'est Ransom. Oh. Il est aussi fort que ça? Personne ne lui arrive à la cheville. Vous entendez? Personne. C'est le meilleur des meilleurs des meilleurs. Vraiment gay. Ah que... oui. Il est si fort que ça. Ah non, mais là, on va aller écouter. En fait, c'est un petit peu pour ça que je voulais écouter ce bout-là, là, pour comprendre comment le héros est hot. Et puis, on va aller écouter le demi-lune. Ah, le demi-lune. Là, on va voir le premier speech. Parce que dans Rambo 2, il y a l'agent Cobao que le héros promet de ramener en Amérique après. Il se lie avec. Et puis dans celle-là, à la place, c'est un enfant de 9 ans. Je vous répète de tout prendre au deuxième degré. Oui, au mot. Non, Américain, c'est moi. Eddie, tu m'emmèneras en Amérique. Dis. Avant que je m'en aille, il faut d'abord que la guerre soit terminée. Oui, oui, mais tu m'emmèneras, hein, quand la guerre sera finie. Tu sais, Père François, eh ben, il m'avait parlé d'un endroit où il y a Donald Duck et Mickey qui ont leur maison. Ah oui, c'est Disneyland. C'est le Père François, il m'a aussi raconté qu'il faut un mois pour tout voir. Oui, c'est exact. Un mois, Cédric. Le popcorn et les friandises poussent sur les arbres. Et les enfants ont le droit de manger tout ce qu'ils veulent. C'est vrai? Oui, c'est un endroit où les rêves deviennent réalité, car les enfants peuvent tout demander au génie qui est dans la lampe merveilleuse. Oh. Il leur dit, je suis ton serviteur, petit maître. Commande et alors je t'obéirai. Oh, dis l'Américain, je voudrais vrai que tu m'emmènes. Il s'appelle l'Américain. Là-haut, retourne te coucher, ça suffit maintenant. C'est un continent. Il m'a promis qu'il m'emmène. Je viendrai avec lui en Amérique dès que la guerre sera finie. Hein? L'air! Tu as entendu ce que je t'ai dit là-haut? Oh, il est l'heure man, de dormir. Non, man. Hey, pendant qu'on finit ça en background, Israël, tu vas nous parler de la toune de Weird Al Yankovic. Fais ta petite chronique. Là, ah oui, tout de suite. Pour les forward, oui, salut. On est dans un air de communication où on n'a pas le choix de laisser notre email à nos collègues d'université pour faire les travails de fin de session, tu sais, puis tout. Puis à nos parents pour qu'ils nous jasent. Puis surtout les parents puis les amis BS que t'as sur ton liste de mails t'envoient des crises de forward de marde. Puis ça, on a eu tout ça parce que ça envahit nos emails. C'est pire que se couper le gland avec une feuille d'eucalyptus. Moi, je me sens importante quand je reçois des forwards. Ah, pas moi. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que mon beau-papa m'en envoie une, mais c'est ma belle-mère qui a envoyé. Fait que là, je leur souhaite deux fois. Ouais, c'est sûr. Je leur souhaite deux fois le crise de cossin que le Hotmail va fermer. Hotmail va fermer, c'est quoi la merde? Non, mais en plus, ça te met dans un milieu d'un conflit parental. Je veux dire, tu sais, ton ex-belle-mère, ton ex-beau-père, je veux dire, t'es un enfant là-dedans, t'as pas rapport dans leur chicane. C'est quoi l'affaire avec les forward? Puis moi, je suis tellement tanné aussi de me retrouver coupable de pas pouvoir aider la fille d'un pauvre ministre de la Défense saoudienne qui a tellement d'argent à transférer qui ne veut pas la laisser à des terroristes. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment les aider, ce monde-là, parce qu'ils ont l'air de vraiment tout être dans la marde. Il y en a beaucoup d'argent là, qui est en attente là, de personnes qui n'ont pas beaucoup de vie. Pour en revenir... Oui. Bref, je vais vous nommer les plus gros. Les crises de PowerPoint de marde, ça, c'est un qu'on soit en forward. Le Hotmail va fermer, là. Ça, je l'ai reçu 4-5 fois, puis je l'ai haï, là, totalement, là. Ouais. Il y a trop de noms qui ont été utilisés. Voyons donc! Il me semble. Les pétitions de marde que le gars des Cowboys fringants aurait signé. Les bananes qu'on porte la bactérie mangeuse de chair. Puis c'est ça, les textes qu'il faut que tu lises au complet puis qui marchent. Puis quand tu vas sur YouTube, des fois c'est écrit « Ah, t'es donné, t'as lu ça, faut que t'écrives ça » de sur un message YouTube de sur 4 autres personnes. Hey, si tu vas aller en enfer, sinon... Puis que j'ai ça. Fait que c'est ça. Puis dernièrement, les alertes au virus bananes pourries. Tu sais, si tu trouves un message qui s'appelle « Je t'aime, banane pourrie », faut pas que tu l'ouvres parce que sinon ton ordinateur va exploser. Ouais, tu t'en vas en enfer. « Je t'aime, banane pourrie ». C'est mieux d'aimer les bananes mûres. C'est plus pas de vitamine. C'est ça, la toune de Weird Al a parlé de ça, puis moi j'ai eu ça les forward. Fait qu'on va écouter la toune de Weird Al qui parle de ça. Mais moi... Puis après ça, on va écouter une toune de toi. Mais quoi? Vive la variété qu'on a dit tantôt. Mais moi... Voilà, on revient à 70%, on écoute Weird Al Yankovic et... Je t'aime, Banane Pari. Voilà, Virus Alert. I love you, Banane Pari. Eh, bon, ben tu peux parler sensuel comme ça tant que tu veux. Bon. Everyone, listen up your attention, if you please. Really wanna give you a warning, 'cause I found out this morning about a dangerous, insidious computer virus. If you should get any mail with the subject stinky cheese, better not go taking the chances. Under no circumstances should you open it, or else it will translate your documents into Swahili. Make your TV record Chili, nutrient pests, and give your lungs. It's gonna make your computer screen freeze. Look out! Erase the Easter eggs off your DVDs. Look out! Erase your hard drive and your backups too, and the hard drive of anyone related to you. Virus alert! You need immediately before someone gets hurt. Forward this message onto everybody. Soon, very soon, it will make all the pain. Your face right off your skull. Look out! And make your iPod only play Jethro Tull. Look out! And tell you knock knock jokes while you're trying to sleep. Look out! And make you physically attracted to sheep. Look out! Steal your identity and your credit card. Look out! Buy you a warehouse full of pink leotards. Look out! Then cause a major rift in time and space and leave a bunch of tweaky rappers all over the place. That's right, it's a virus alert. You need immediately before someone. Immediately before someone gets hurt, forward this message onto everybody. Warn all your friends, send this to everybody. Tell everyone, you know, tell everybody now. If you get infected, you'll wish you had never been born. So before it emails your grandmother all of your porn, turn off your computer and make sure it powers down. 43-foot hole. guaranteed immediately before someone gets hurt. Forward this message onto everybody. Virus alert. Guaranteed immediately before someone gets hurt. Forward this message onto everybody. Virus alert. Guaranteed immediately before someone gets hurt. Forward this message onto everybody. Warn all your friends and just do everything. Ils étaient très nombreux. Le chef était grand. Il y avait une dame blonde. Lui, il avait une étoile rouge. Il s'appelait Jacoda. Est-ce que c'est le demi-lune qui meurt, ça, Tommy? Oui, il est en train de souffrir. Dis-moi encore, dis-moi. C'est un vrai film, ça. Oui. Il y a des tonnes de pop-corn, tu sais. C'est des zombies, ça fait. Il y en a plein partout sur les arbres. Oui, plein. Il y a aussi des montagnes de barbe à papa. Okay. Et il y a aussi du chocolat et des bonbons. C'est tellement beau l'Amérique. Et puis il y a des zombies dans la lampe magique. Il nous accorde tout ce qu'on désire. Ouais, c'est pas ce pied, ça. Oh non! C'est quoi, j'ai ce pied? Je pense que c'est des droplets de zombies. Excuse-moi. C'est zombies qui perdent des morceaux. T'as du zombie sur le pied. Et voilà le petit enfant qui est mort dans les bras du héros. Sans jamais voir la mairie. Je coude! On comprend la rage de Red Brown qui connaît le nom de son ennemi. Il s'appelle Jacoda. C'était l'incarnation de Lucifer, tel que mentionné par le prêtre dont on n'a rien à chier. On va faire pause là-dessus. Question. Ouais, c'est ça. Ben oui, je vais répondre au téléphone. C'est quoi la sorte de ma gamme cachée, c'est bon? C'est Bonjour, Gabelle. Bienvenue à 70%. Oui. Hello? Hello? Yes, I was wondering if you could play a song for me. You want to hear a special song? Yeah, do you do requests there, or... Wow, well, now I'll do my best, but... You sound like Dick Clark. I hope you want to hear some MC La Sauce, because this is the only thing we have left for the show. Can I request a song? Yeah, you can try. Something from Robbie Tucker's The Green Room. Oh. Maybe it's all in your diary. Oh, no, sorry, no, I don't have that No, we already played kind of that thing. In a gay fest, I don't know. MC La Sauce is feeling offensive. No, sir, I don't think we can help you with that one tonight, but I hope you'll continue listening to our show, even though it's mostly in French. I'm studying in English at the UCAM, you know, becoming an ESL teacher. Do you like that? Do you think that's sure. sexy? Sure. Really, you think that's sexy? Sure. Okay, so I can hang up now? Whatever. Okay, yeah, you bye. Have a nice evening. Hey, quand même, on vient de se faire appeler par. Je comprends pas ce qui vient d'arriver. Non, non c'était Rod Stewart, là. Ouais, peut-être, hein. Il a entendu c'était ta voix, il voulait absolument te parler. Hey, mais ça, c'était cool, hein. Juste après que le demi-lune de Dernier Assaut meurt, on a eu un appel d'un anglophone qui voulait entendre du jazz. Et puis, il a aussi la sauce qui l'a cruisé et il lui a raccroché. En tout cas, rock and roll, ça, c'est du show, hein, sapristi. Non, mais c'est pas vrai. Ben, je c'est sais vrai, pas, on vient de se faire appeler. Ouais, les gars, vous êtes fous. On le rappelle. Ben, on peut pas. Oh, that's crazy. Les I'm sorry obscures, for the shit. What? Se concentrons-nous, c'est vraies affaires. Il reste 7 minutes. Hey, à qui t'aimerais pouvoir casser la gueule si t'avais le choix? Oui, madame. Aux gars qui viennent d'appeler. Yes! La frite d'or ou la patate plante? La frite d'or. Ah ouais, pourtant, elle est plus loin de chez vous. Patate plante, il y a juste les Indiens qui vont là. C'est vrai que c'est le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont le pistolet chargé et ceux qui creusent. Les Indiens creusent, donc ceux qui creusent vont à la patate plante. Brr. Paf, et voilà. Hey, mais est-ce que t'es du genre à croquer dans ton casse-gueule ou tu le laisses fondre sur ta langue? Tout dépendamment de la déliciosité. Ouais, des fois, t'as hâte d'en finir parce que ça goûte pas si bon que ça. Ben, souvent, je rappelle pas, là. Est-ce que tu vas faire baptiser tes enfants? Baptiser sous le nom de MC La Sauce Licious, oui. Ah, ben, c'est pas pire. Ça veut dire que tu crois en Dieu. Je crois... Ben oui, je crois en moi, certainement. Ah, boy! Rien que ça. Hey, Israël, dernière question. Ça va être le mot de la fin parce qu'on va aller écouter une chanson de MC The Sauce. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, les Forward Mill? Non, c'est pas vrai. C'est quand qu'ils sortent en record puis plug-nous donc deux, trois affaires de même? Écoute-moi, cet hiver, il fait froid. T'as envie d'avoir chaud. Le record sort et that's all you need to know. So, juste une petite... couple de petits plugs pour mes amis. Merci à MGM là, qui m'a plugué pour une couple de tracks avant qu'on arrive en studio quand on était en détresse pour avoir des tunes. Ma mère, merci, merci. Merci à Chafik pour tout ce qu'elle fait. Merci à Nadine. MGM, ça, c'est quoi? C'est Éloi? Oui, Éloi Desjardins. Écoute, okay, moi, j'ai gardé le best for last. Mais Éloi Desjardins aussi, qui est pas juste dans ma face. Mais en tout cas, Éloi Desjardins qui est ici à Choc puis pour CISM pour le show de moteur. T'as oublié de remercier Dieu, un rapper. Là, ça se doit de commencer par Dieu. Ben, ouais, ça garde toi, Dieu, tu veux des props tout de suite. OK, fait que merci à toi, Dieu. OK. Ensuite, ça a été génial d'être à ton émission. Aussi, il y a demain, le 11 septembre, au Quai des Brumes, Maître J, qui lance son single, qui est avec aussi ma choriste, Nadine Deschâtelet. Voilà, je vois des petits signes weird qui se font. Et le gars avec les cheveux frisés qui est vraiment mal. Il va falloir qu'on finisse bientôt. On a un coup de téléphone. On va juste voir c'est quoi. Bonjour, vous êtes à 70%. Faut faire ça vite. Hello. Ah hi. Non, vous êtes trompé de numéro encore, monsieur. On s'excuse, il faut raccrocher. Comment ça va? Ah, bonjour. Ben, bonjour, je m'appelle Stephen Harvey. Est-ce que... can you play anything by Robbie Tucker? Ah non, je peux pas vous aider, mais on s'excuse, monsieur. Il faut qu'on finisse notre émission parce qu'il nous reste 2 minutes. On va se faire chicaner. Peut-être merci à ma mère aussi. Merci à ma mère d'avoir envoyé les chansons. Je t'aime, t'es la plus belle. Voilà, merci à Zombie. Merci à MC La Sauce d'avoir admiré, en tout cas. Tantôt, ça s'en vient. Stay in line, it's gonna come. Take off your top, baby. J'ai fait une quarantaine de hockey pendant l'émission. Fuck you, ST. On vous revient la semaine prochaine. Remixé par Zingon. J'aimerais mieux manger ma tête et d'adhérer à ce marmot. Lundi 10 septembre, vous écoutez l'épisode 10 de Dans ta bulle, l'émission BD sur les ondes de Choc FM. Surprise, surprise! Bonjour à tous, Julie et Christophe pour Dans ta bulle. Alors aujourd'hui, on vous parle de trois albums. On commencera par Xavier, un film entre nous de Arnaud Floch. Ensuite, on aura un duo David B, avec tout d'abord un album comme auteur complet, Le Jardin armé. Et ensuite, un album où David B est uniquement scénariste, Léonora, qui est dessiné par Pauline Martin.